bonsoir à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la nouvelle émission Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà, alors pour cette spéciale de Last Underground, il s'agit du résultat du petit sondage que j'avais fait sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux concernant en fait une émission consacrée à un groupe ou un artiste en particulier. Voilà, ce qui est sorti à plusieurs reprises, c'est le groupe Darkwood, le groupe allemand Darkwood. Alors voilà, on va s'écouter tout de suite donc forcément un titre du groupe Darkwood, et toute l'émission sera consacrée à Darkwood. Nous parlerons du groupe, du moins de son créateur Henrik Vogel, tout au long de l'émission, et on aura l'occasion d'écouter en fait de nombreux titres issus de leur production. Voilà pour l'émission numéro 10. Voilà, tout de suite on s'écoute le titre Morgenthau, donc de Darkwood. We'll be right back. Voilà pour le titre Morgenthau. Alors pour revenir au groupe Darkwood, donc en fait le groupe, comme je le disais au départ de l'émission, le groupe est initié par Henrik Vogel. Voilà, donc c'est un Allemand. Et le groupe est originaire de la région de Saxe. Alors voilà, pour l'instrumentalisation, généralement minimaliste, guitare parfois agrémentée de violon et nappe de synthétiseur, mais voilà, la différence c'est qu'en contrairement à ce que l'on pourrait penser du groupe Darkwood, on l'a souvent associé au néo-folk et dark-folk, et j'ai commencé par un titre plutôt martial, martial néo-classique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le groupe a officié quand même dans pas mal de domaines, que ça soit la dark ambiante, le martial néo-classique, même le martial industriel. D'ailleurs, on va même passer un titre de martial industriel du groupe Darkwood. Donc, Darkwood, en fait, se considère un peu, quelque part, dans son projet, exprime en fait l'amour pour le pays où il est né, voilà, et auquel on peut s'identifier. C'est une musique qui joue entre les thèmes traditionnels et les sons avant-gardistes, des instruments acoustiques, des sons de synthèse et des chiants. En anglais, en allemand et même en russe. Et oui, Darkwood réalise à travers ses chansons une analyse de l'histoire d'un point de vue analytique et psychologique, l'influence d'événements particuliers ou situations extrêmes comme la guerre, l'amour, etc. sur le psychisme humain. Voilà, il chante la tristesse de la guerre et la douleur, et chante l'oubli de la beauté, de la tradition et de la nature. Voilà, c'est un peu, quelque part, un peu une révolte contre le monde moderne. Voilà pour le groupe Darkwood. Alors, on va continuer, bien sûr, à en parler. On va se mettre deux titres à la suite. Il s'agit pour l'instant du prochain titre, Glutengeist, et ensuite For Europe. Donc, un titre tout à fait évocateur. Allez, c'est parti. Land, das man verlor, Blut in Erinnerung. Voilà pour le groupe Darkwood, toujours. Voilà, donc en fait, pour reparler de l'ensemble de leur production, ils en sont quand même, enfin, Henrik Vogel et ainsi que les gens qui ont participé en fait aux différentes productions de Darkwood en sont quand même à leur 9e album. Voilà, ce qui est quand même assez énorme. Alors, il faut savoir que le groupe Darkwood a participé pas loin à 16 compilations, dont deux assez connues, Looking for Europe et For City Lab. For City, on avait déjà tout au début en fait des émissions Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. On avait passé des titres provenant de la compilation For City Lab, qui est en fait tout simplement un hommage au groupe For City. Voilà pour l'anecdote. Alors, Darkwood a fait pas mal de vinyles aussi, pas mal de cassettes. Véritablement, les productions sont quand même assez impressionnantes, hein, et ils sont tout à fait, en fait, quelque part, toutes différentes entre elles, parce que vous avez entendu par exemple des titres néo-folk, dark-folk, avec des influences qui pourraient faire penser un peu à Desinjun, et d'autres titres plus martiaux. Et c'est toute la richesse en fait du groupe Darkwood, des productions de Darkwood, c'est en fait de faire des choses particulièrement différentes voilà, au niveau de leur production. Voilà, on va s'écouter tout de suite Der Folgenflug. Un autre titre, et on reparlera aussi des titres que j'ai passés, des noms d'albums que pour l'instant je viens de passer. Donc tout de suite on passe à Der Folkenflug. Yeah. Voilà pour le titre Der Falkenflug. Alors, faut savoir que les titres pour l'instant qui sont passés figurent sur l'album Flammenwerfer de 2001. Donc déjà, ça commence déjà sérieusement à dater. Donc on retrouve en fait sur cet album différents styles que l'on traverse, c'est-à-dire à travers le martial, un petit peu l'industriel, martial industriel, néoclassique, et aussi bien sûr le néo-folk, le dark folk, avec des influences véritablement sur cet album liées au groupe anglais Dissingen. Voilà. Alors pour parler du groupe Darkwood, par rapport en fait à son approche, c'est une approche assez spécifique. Puisqu'en fait, Darkwood, Henrik Vogel considère en fait jouer un petit rôle dans un modeste espoir de changement, ainsi qu'une petite contribution quelque part au changement spirituel. Donc, il considère que plus tard, il y aura un grand changement spirituel, et quelque part. Il espère que sa musique soit un catalyseur et un matériel de réaction dont en fait vous n'avez pas beaucoup de moyens pour pouvoir diffuser, vous n'avez pas besoin beaucoup de moyens de diffuser en fait ces matériaux de réaction. Son but est en fait de maintenir cette réaction et jusqu'à une transformation soit terminée dans les sociétés. Donc en fait un retour en fait à l'esprit spirituel. Quelque part il y a quand même quelque chose d'assez paganique quelque part dans l'approche de Darkwood. On l'aura remarqué même dans certaines de ses approches, même musical en ce qui concerne la dark folk. Voilà, on va continuer avec Moos, toujours un autre titre de Darkwood. Times when men were slain. Voilà pour le titre intro voilà, du groupe Darkwood. Alors, pour reparler bien sûr de ce groupe, du moins de Henrik Vogel, on peut parler par exemple de l'album For Europe, qui en fait est un album qui a extrêmement marqué les productions de Darkwood, puisque l'album est considéré comme un avertissement pour l'Europe en relation avec les premières questions de l'extrémité ouverte. Donc c'est en fait quelque part un album qui propose une sombre prémonition de ce qui va nous arriver ou de ce qui arrive aujourd'hui dans l'Europe actuelle. Et à l'époque, c'était les problèmes en ex-Yougoslavie, mais aujourd'hui, c'est encore plus gravissime. Nous le savons aujourd'hui dans notre Europe. Voilà, donc l'album était déjà un avertissement. L'album s'annonce comme quelque part, For Europe s'annonce comme annonciateur d'une résistance culturelle à travers quand même ces messages pour le moins pessimistes quelque part. Et en fait, l'album raconte en fait quelque part l'histoire de ce qui va arriver et prend modèle le génocide culturel du Japon. Voilà pour For Europe et les titres tirés justement de ces album. On va continuer tout de suite bien sûr avec un autre titre de Darkwood, c'est Peace for a Moment. Thank you. zitternden Hände, aus Furcht du könntest entfliehen. Ein Schwur, ein Herz, gebrochen, das Schicksal verlacht. Wir ahnten es nur und es kam die Nacht. Dernier titre, ce fut Stiller Bound de l'album Wilterwind, donc de Darkwood. Voilà, pour revenir donc bien sûr à Darkwood et à Henrik Vogel, l'initiateur donc de Darkwood, il faut savoir qu'en fait, quelque part, le groupe, du moins Henrik Vogel, s'inspire, ou du moins fonde quelque part sa perception dans les anciennes croyances germaniques. Voilà. Et en fait, il considère que c'est la plus importante en Europe et que par de ce biais, on doit vivre en harmonie avec la nature, en l'acceptant et en luttant avec ses chances. Et deuxièmement, il considère que à partir du moment que vous réalisez que vous en êtes issu, que vous en faites partie et que vous y revenez enfin, en fin de compte, à la fin de votre vie. Voilà. Donc quelque part, c'est très quelque part ancré dans les anciennes croyances païennes, donc de l'Europe et du nord de l'Europe. Et il considère qu'aujourd'hui, on a enlevé la Terre Sainte allemande, qui normalement préserve, et que à partir de ses chansons qu'il diffuse, on appartient à cette terre allemande, et considère que la fidélité est éternelle et annonce obligatoirement la bannière. Voilà pour les pensées profondes de Henrik Vogel du groupe Darkwood. Voilà, on va s'écouter bien sûr un autre titre après Stiller Bund. On va s'écouter Descent et ensuite on va s'écouter Wellen Sturm. Voilà, tout de suite Descent. Thank you. Voilà pour le titre Weltenstorm du groupe Darkwood. Alors, ce titre fait partie d'un album Sword of Stone datant de 2015. Alors, il faut savoir qu'il est sorti en plusieurs formats, dont le format tapes, donc en cassette, ce qui est assez rare d'ailleurs, un très beau coffret avec une très belle image représentant en fait des épées de pierre. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs l'album s'appelle Sword of Stone, donc épée de pierre. Et juste avant, donc sur le titre Descent, c'était un album datant de 2004. Alors cet album de 2004 est vraiment sympathique, il a marqué quand même pas mal les productions de Darkwood. Et c'était l'album Herbst Get Volk. Voilà pour les titres des albums. Alors on va continuer toujours avec un autre titre. Un autre titre, c'est Verbinet Here. Nous allons nous écouter encore un autre genre de ce que propose Darkwood. Et ensuite, on repassera quelque part à ce que pense Henrik Vogel et le groupe Darkwood en général sur ses productions, sa philosophie, etc., etc. Allez, c'est parti avec Verbrains here. Verloren in stürmischer Nacht und Nebel. Voilà pour le titre juste avant. Donc c'était Verbeins Ace. Voilà donc IR plutôt, excusez-moi. Et donc un titre véritablement sympathique, toujours dans la mouvance néo-folk, dark folk. Voilà, donc pour revenir bien sûr à la pensée du groupe Darkwood, il faut savoir que à travers les productions du groupe, il y a quelque chose qui inspire Henrik Vogel, c'est l'architecture. Alors, en particulier, l'architecture de la ville de Dresde. Alors, il faut savoir que la ville de Dresde a été particulièrement détruite en partie par les bombardements criminels anglo-américains. Et donc, les albums, du moins certains albums, sont marqués par une inspiration par le destin de la ville de Dresde qui fait face en 1945. Et qui est pratiquement et complètement détruite par des raids aériens anglo-américains. Voilà, donc c'est à travers en fait la restauration quelque part de la ville de Dresde, mais de ce qui n'en reste aussi, ce qui n'en restait à travers certains aspects architecturaux de cette ville, que certaines productions sont sorties, ou du moins certaines chansons ont été écrites. Voilà pour aussi quelque part l'approche de Darkwood. Voilà, alors on va toujours continuer avec un autre titre, c'est Nagged Wind. The wild winds go keep blowing, but a tyrant's spell has bound me, and I cannot go. The giant trees are bending, their bare boughs wave with snow. The storm is fast descending, and yet I cannot go. Clouds beyond clouds above me, waves beyond waves below. But nothing dreary moves me, I will not, cannot go. nothing and we're waiting, knowing death is drawing near. And in our valley of our torrent, there is nothing left but fear. Voilà pour le groupe Darkwood, toujours on continue. Ce titre, magnifique titre, est tiré toujours de l'album Sword of Stone, c'était Caucasian Tolls. Vraiment un magnifique titre, d'ailleurs qui pourrait nous faire penser un petit peu, de temps en temps, un petit peu à Dessin June. Alors on a remarqué aussi l'utilisation, forcément je le disais au début, de violon, mais en particulier aussi d'accordéon. Voilà, l'utilisation de pas mal d'instruments acoustiques, instruments à air, et ça il faut le remarquer parce que véritablement ça change un petit peu de ce qu'on entend habituellement dans les productions dark folk, déo folk. Voilà. Alors, autre chose aussi qu'on peut noter par rapport à l'influence de Darkwood, c'est que ils aiment bien, par exemple, en même temps, Henrik Vogel adore le groupe Annie Wolok. Alors, Annie Wolok, je vous en avais passé tout au début des émissions, c'est de la dark folk, et il aime bien ce genre de production qu'il aime beaucoup, qu'il s'attache vraiment à ce genre de production extrêmement sombre, assez intimiste, mêlant voix un peu bizarre, son étrange, et de voix très calmes avec des tambours et des échantillons des fois qui apparaissent soudainement très fort. Voilà pour ce qu'aime en fait Henrik Vogel. Alors c'est pas obligatoirement son influence, mais même si au titre de certains albums on peut reconnaître une touche dans ce genre, dans ce style. Voilà. Alors après Caucasian Tales, on va continuer avec Deutsche Sonnenwende. Alors, pour information, ce titre, ce n'était pas Darkwood, malgré que ce soit un titre de Darkwood. Voilà, c'était Deutsch, donc Sonnenwende, du groupe Ihr Mein Soul. Alors, pourquoi, en fait, tout simplement, ce groupe qui n'est pas Darkwood, malgré qu'ils reprennent un titre, bien sûr, un titre très connu d'ailleurs du groupe. Il s'agit tout simplement d'une compilation datant de 2018 qui s'appelle Lied der Kämpfer, A Tribute to Darkwood. Voilà, une compilation en fait dédiée à Darkwood qui a été en fait faite en hommage donc à ce groupe. Et donc sur cette production figurent énormément de groupes no folk, dark folk, artistes indépendants, etc. donc qui reprennent tout simplement les plus grands titres, du moins les titres les plus connus du groupe Darkwood. Voilà pour l'information. On va continuer toujours avec Darkwood, et un album qui date de, donc, de 2017, avec un titre Secret Place. Thank you. Voilà pour le dernier titre qui vient de passer. Alors, c'était, comme vous l'avez remarqué, ce n'était pas le groupe Darkwood, mais un titre du groupe. C'était chanté par le groupe de Dark Folk, Arbilex. Voilà, et pour le titre, c'était Lied am Führer. Voilà pour cet excellent titre d'ailleurs, extrêmement bien interprété par le groupe Arbelex. Voilà, alors pour revenir bien sûr aux pensées et à la philosophie du groupe Darkwood, excusez-moi, le groupe, à travers de certains albums, comme par exemple Flamenwald, traite du rôle des Américains après la Seconde Guerre mondiale en mentionnant l'influence sur la confiance en soi allemande et européenne. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, Henrik Vogel, à travers cette production, marque en fait l'influence de la culture américaine et son emprise sur la confiance en fait européenne et la confiance en soi du monde allemand. Voilà. Donc il analyse en fait les circonstances et les causes et il essaye de donner espoir en exprimant force et optimisme. Voilà. Et d'ailleurs c'est au fil de certains autres albums aussi d'ailleurs. Donc ça évoque en fait la fierté de l'héritage culturel et historique indépendamment de toute propagande anti-allemande. Voilà. Et il se considère quand même assez loin d'une glorification extrême, même si souvent il a été accusé d'ailleurs d'une glorification assez extrême par rapport à ses productions ou l'image qui est donnée à travers par exemple ses pochettes d'albums. Voilà. Enfin, toute proportion gardée, de toute façon, Darkwood reste quand même un des fers de lance de la néo-folk Darkfolk, défenseur de la culture et de l'identité européenne. Voilà, on va continuer avec un dernier titre. On reviendra juste après. Un avant-dernier titre, c'est Schatten Shot Heart. We'll be right back. avant-dernier titre du groupe Darkwood, cette émission spéciale consacrée aux productions du groupe Darkwood et à Henrik Vogel. Donc c'était Schatten Stewart. On va donc se quitter avec un dernier titre du groupe Darkwood. J'espère que cette émission vous a plu et que on aura peut-être l'occasion de reparler, de consacrer une émission exclusive à un artiste, un groupe, etc. J'espère qu'en tout cas qu'on répétera l'opération, du moins si ça vous a plu. N'hésitez pas à proposer quelque part autre chose, un autre groupe, un autre artiste, etc. On pourra consacrer une émission spéciale consacrée à un artiste ou un groupe, toujours dans la tendance des émissions Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà, on va se quitter avec Buntor Staub. Buntor Staub, tiré d'un album qui est vraiment, vraiment excellent. Moi j'aime bien, en tout cas la pochette est vraiment excellente. C'est l'album Ins Doxland qui date quand même de 2009 aujourd'hui. Mais alors vraiment la pochette est vraiment très belle, je vous conseille d'aller la voir. Voilà, il s'agit d'une statuette de soldat allemand, d'un soldat qui tient un autre soldat allemand. C'est vraiment magnifique pendant une période de guerre. Voilà, donc on se quitte avec le titre Buntor Staub. Et je vous dis à bientôt pour la 11e émission de Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens. Allez, au revoir camarades.